Donc, mon intervention porte sur la forme et l'émergence de l'innovation dans les activités d'intermédiation et plus particulièrement dans le cas de la critique de restaurant. La critique de restaurant étant conçue comme une activité d'intermédiation entre le monde de la restauration et le monde des consommateurs de cette restauration. Alors, petite précision liminaire, ce que j'entends par critique de restaurant, ce ne sont pas les critiques qui travaillent pour les guides de restaurant. Ce sont les critiques qui travaillent dans la presse ou dans les médias, dans tous les autres médias, hormis les guides de restaurant. Parce que les guides de restaurant ont un fonctionnement qui est complètement différent de... Enfin, les personnes qui travaillent dans les guides de restaurant sont très différentes des journalistes gastronomiques qui travaillent dans la presse et dans les autres médias. Généralement, ce ne sont pas des professionnels, ce sont des amateurs qui font ça pour leur loisir, qui travaillent pour les guides en plus. Hormis dans le cas du Michelin, où là, ce sont des professionnels de la restauration qui travaillent pour un guide. Et les guides ont une publication annuelle, donc c'est toute une économie et un fonctionnement qui est assez distinct de ce qui se passe dans la presse. En revanche, ce qui se passe dans la presse, que ce soit la presse généraliste qui a des rubriques de restaurants dans les quotidiens ou dans les hebdomadaires, ou dans la presse spécialisée qui porte vraiment sur la cuisine, là ce sont à peu près les mêmes personnes qui travaillent dans ces différents supports et qui sont aussi les mêmes personnes qui travaillent à la radio, à la télévision un petit peu et éventuellement sur Internet. Donc, il y a tous les médias d'un côté et puis de l'autre côté les guides. Moi je m'intéresse aux personnes et aux critiques qui sont publiées dans les médias et notamment aux critiques qui sont publiées dans la presse. Alors pour restituer rapidement la genèse de mon questionnement, en fait je me suis interrogée dans ma thèse sur... souvent quand on étudie l'effet des dispositifs de médiation marchande, on étudie justement leurs effets sur les marchés, en quoi ils vont influencer la configuration des marchés, éventuellement influencer le comportement des consommateurs ou l'orientation des différents acteurs économiques. Et on se pose assez peu la question de la façon dont eux-mêmes sont construits, dont on fabrique ces dispositifs, et comment ça se fait qu'on voit tel restaurant dans la presse et pas tel autre, et comment un restaurant en arrive à être évoqué dans la presse, et pourquoi on en dit ce qu'on en dit dans la presse. Donc c'était un petit peu ça mon questionnement de départ, d'arriver à savoir comment on en arrive à recommander quelque chose et sous la forme sous laquelle ça apparaît. Alors j'ai étudié dans un premier temps, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça permet de comprendre après le questionnement que je vais aborder aujourd'hui, ce que disait la presse gastronomique, notamment la presse quand elle parle de restaurants. Et donc j'ai pris un restaurant pour lequel j'ai suivi pendant 3 années tous les articles qui avaient été publiés sur cet établissement. Et j'ai essayé de comparer ces différents articles pour savoir ce qu'on en disait. Alors, préalable à ce que j'ai dit, tout d'abord, déjà, on ne parle pas de n'importe quel restaurant dans la presse. Dans la presse, on parle essentiellement des restaurants, soit des restaurants gastronomiques qui ont une prétention à la qualité, soit des restaurants un petit peu innovants pour lesquels il y a aussi une incertitude sur la qualité pour les consommateurs. Tous les autres types de restaurants, restauration rapide, restauration à chaîne de restaurants, les restaurants routiers, par exemple, les cafétérias, on les évoque assez peu, puisque là, il n'y a pas, sur ces restaurants-là, de questionnement. Soit la qualité n'est pas une priorité du consommateur, on y va pour d'autres raisons, pour la qualité de la nourriture, par exemple pour un prix peu élevé, souvent. Soit sinon, si la qualité est une préoccupation, c'est une qualité qui est standardisée, comme dans les chaînes de restaurants. Si vous allez dans un Buffalo Grill, ce sera la même chose dans le Buffalo Grill là à côté que dans un autre Buffalo Grill en France. Donc là, la question de la qualité se pose moins. Et les consommateurs n'ont pas besoin d'équipements ou de dispositifs spécifiques pour savoir dans quel restaurant aller dans ces cas-là. En tout cas, des dispositifs qui sont un peu différents de ceux de la critique et de la presse. Donc ça, c'est une première chose. On ne parle pas de n'importe quoi dans la presse. Et à partir du moment où on a déterminé l'étendue des restaurants qui sont évoqués dans la presse, donc les restaurants de moyenne haut de gamme, on va dire, ces restaurants-là, on se rend compte que ce sont souvent les mêmes qui sont évoqués. Et mon questionnement, c'est de savoir, quand on les évoque, est-ce qu'on en dit la même chose ? Donc, d'où mon étude sur un restaurant particulier, sur savoir, pendant 3 ans, quand on en a parlé dans la presse, qu'est-ce qu'on en a dit. Donc, j'avais 31 articles de presse qui se rapportaient à ce restaurant-là. Et j'ai fait un cours récemment, notamment sur cette partie-là de mon travail, où j'avais donné aux étudiants 4 critiques différentes qui avaient été écrites sur un même établissement, en leur demandant de retrouver dans quel journal elles avaient été publiées, ces critiques. Sachant qu'il y avait une critique qui venait de Télérama, donc qui s'adresse plutôt à un public intellectuel, cultivé, de classe supérieure, plutôt urbaine. Un article qui venait de Cuisine Actuelle, qui là s'adresse à un public plutôt féminin, provincial et plutôt de classe moyenne ou populaire. Une critique qui venait du magazine L'Express et une critique qui venait du gratuit Direct Soir, donc un gratuit qui est distribué dans le métro, à la sortie du métro le soir. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était complètement impossible de distinguer les critiques, ce qui était dit, en fonction de la ligne éditoriale du journal ou même du public auquel s'adresse la publication. Et quand on étudie le contenu des critiques, on se rend compte que les journalistes parlent à peu près de la même chose, enfin, utilisent les mêmes, parlent de la même chose quand ils évoquent un restaurant. Donc en premier, ils parlent d'abord des plats, ensuite du chef, par ordre d'importance relative. Ensuite, du type de cuisine qui est évoqué, des produits et du lieu du restaurant. Et donc, c'est toujours la même hiérarchisation, quel que soit le critique. On se rend compte aussi qu'il y a une forte homogénéité dans les jugements. Par exemple, en l'occurrence, là, sur la question sur ce restaurant-là, les prix, c'est un restaurant où le prix était à 23 euros le soir pour un menu à la carte. C'est un restaurant parisien, donc ce qui est un prix dans la moyenne à Paris, mais qui peut paraître un peu cher en province dans les années où ces critiques ont été publiées. Et quel que soit le public auquel s'adressait, le lectorat auquel s'adressait le magazine, la qualification, pour qualifier le prix, on avait toujours les mêmes qualificatifs qui étaient prix sage, prix tenu, en gros c'est pas cher, et que le public soit un public plutôt urbain et économiquement favorisé, ou un public plus provincial et moins économiquement favorisé, comme dans le magazine Cuisine Actuelle. Donc en fait, on avait une homogénéité du jugement indépendante du public auquel ça s'adressait, les mêmes qualificatifs qui étaient utilisés. Dans tous les cas, on avait une absence d'appréciation de la cuisine proprement dite. Donc, on vous disait ce qu'on mangeait, mais on ne vous disait pas si c'était bon ou si c'était pas bon. Et notamment, quasiment jamais de critiques négatives. C'est-à-dire, on vous dit presque, quand il y a des appréciations, c'était toujours des appréciations positives. Et absence de technicité aussi sur l'aspect proprement culinaire. Donc, ce qui m'avait frappé, c'est de voir qu'en fait, on avait des traits communs qui étaient transversaux, finalement, à la publication et aux journalistes qui écrivaient dans ces critiques de restaurants. Et donc, mon travail, c'était après d'essayer d'expliquer d'où venait cette homogénéité dans les contenus des critiques de restaurants. Donc il y a plusieurs explications sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ici puisque ça n'est pas l'objet. D'une part, on peut invoquer le fait que les journalistes, en partie, écrivent sur plusieurs supports simultanément. Donc il y a si ce sont les mêmes auteurs, ça semble logique qu'il y ait d'une certaine manière aussi les mêmes choses qui soient dites. D'autre part, il y a une question de formation aussi. Les journalistes sont formés sur le tas, mais sont formés par leur pair. Donc il y a aussi un formatage et un apprentissage des normes de l'écriture journalistique. Et puis, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est de montrer comment c'était l'organisation du travail des journalistes qui influait sur le contenu de ce qui était écrit. Notamment le fait qu'en réalité, les critiques gastronomiques ne travaillent pas seuls, mais ils sont insérés dans des réseaux, notamment un réseau de collègues. Ils travaillent énormément avec leurs collègues. Donc il y a une co-construction des jugements et de ce qui est dit sur les restaurants. Et puis un autre phénomène qui est là, plus extérieur au monde journalistique, qui est l'existence d'attachés de presse et de communicants qui ont pour mission de formater, enfin en tout cas de normer ce qui va être dit dans la critique. Donc bon, tout ça pour dire que j'avais mis dans ce chapitre-là en évidence cette homogénéité et j'ai essayé d'en trouver les causes. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'une fois qu'on a mis en évidence cette homogénéité, on a du mal à expliquer pourquoi finalement, malgré tout, il y a des journalistes qui sont beaucoup plus connus que d'autres et qui ont un pouvoir de prescription auprès à la fois des consommateurs et aussi de leurs confrères journalistes, ce qui est beaucoup plus fort que les autres. Donc comment on arrive à se distinguer dans cet univers où finalement tout le monde écrit grosso modo la même chose sur les mêmes objets et à peu près dans les mêmes termes. D'où j'en arrive à la question qui m'intéresse aujourd'hui sur la singularisation des critiques. Comment dans ce milieu où l'organisation du travail et les méthodes de travail tentent à homogénéiser les discours médiatiques, on arrive à acquérir un pouvoir à la fois à se distinguer et à acquérir un pouvoir de prescription plus fort que ses confrères. Donc il y avait deux manières d'étudier cette question. Soit il aurait fallu que j'aille interroger les lecteurs de presse et de journaux pour leur demander quelle critique ils suivaient et pourquoi ils suivaient une critique plutôt qu'une autre, pour arriver à comprendre ce qui faisait l'essence du pouvoir de prescription plus fort de certains journalistes. Alors c'est une méthode qui est extrêmement coûteuse et difficile à mettre en œuvre, enfin si on veut le faire de manière un peu systématique. Et d'un autre côté, ça laisse aussi, ça exclut du champ d'analyse les stratégies de singularisation mises en œuvre par les critiques eux-mêmes. Alors bon, ça c'est aussi un peu mon explication ad hoc pour justifier que je n'ai pas adopté cette méthode. Moi donc j'ai pris la perspective symétrique, c'est-à-dire que j'ai étudié des trajectoires de journalistes et j'ai essayé de comprendre comment ils avaient réussi à se singulariser, comment ils avaient réussi à innover dans le monde de la critique gastronomique, et comment ils avaient réussi à imposer leur innovation et à faire que leur manière d'envisager la critique soit considérée comme plus légitime que celle d'autres journalistes. Alors, il y a en réalité trois grandes stratégies pour se distinguer de ses confrères. Il y a une première qui est la stratégie globale que suivent à peu près tous les journalistes, en tout cas que tentent de suivre les journalistes, c'est de s'affilier à des supports de prescription importants. C'est-à-dire qu'on devient un journaliste important à partir du moment où on travaille pour un journal qui est lui-même important. Et il y a des effets de légitimation croisée, c'est-à-dire que le fait pour un journal d'embaucher un journaliste connu, ça va améliorer l'image de sa chronique gastronomique, enfin de sa rubrique gastronomique, et réciproquement, le fait pour un journaliste d'être embauché par un journal important va lui permettre d'augmenter aussi sa propre notoriété journalistique. Donc en gros, il y a un effet à la fois du support, on va lire la rubrique gastronomique du Monde parce qu'on lit le journal Le Monde et on a confiance dans ce journal. Il y a un effet de l'auteur propre de la critique, on lit la rubrique gastronomique du Monde parce que c'est Jean-Claude Ribault qui l'écrit et on sait que Jean-Claude Ribault est un journaliste reconnu. Et il y a aussi un effet du contenu, on va lire la rubrique simplement parce que ce dont elle parle nous convient. Et donc les trois sont liés puisque effectivement le contenu est lié à l'auteur et l'auteur est lui-même en partie lié au support pour lequel il travaille. Alors toute la question c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un support important. Je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais il y a trois critères qui permettent de déterminer un support qui compte dans le monde du journalisme gastronomique et plus largement dans le monde du journalisme. Les deux premiers critères, ce sont les critères qu'emploient les annonceurs et la publicité. Il y a un premier critère qui est un critère de volume. Un journal est important à partir du moment où il a une audience qui a un volume important. Donc plus vous avez d'audience, plus vous comptez dans le paysage médiatique. D'où la télévision qui est un média qui écrase un peu tous les autres par rapport aux médias écrits. Il y a un deuxième critère qui est le critère de la composition de l'audience. Donc un journal est d'autant plus important que son audience est socialement favorisée, on va dire. Donc plus on s'adresse à des classes supérieures, plus le journal est considéré comme important dans le champ médiatique. Et un troisième critère qui est un critère un peu transversal de reconnaissance journalistique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des petites publications avec un public très ciblé et très faible en quantité numériquement, mais qui, parce qu'ils mettent en œuvre des méthodes journalistiques qui sont reconnues par la profession, vont jouir d'un crédit particulier dans le monde journalistique. Donc alors ça vous dira sans doute rien, mais enfin, peut-être, je sais pas, sauf si vous êtes des amateurs de gastronomie, mais le journal Régal, à un moment donné, qui est un journal, une publication spécialisée, avait un rédacteur en chef avec une ligne éditoriale très forte et qui mettait en évidence la dimension d'enquête, le fait de faire des articles intelligents et pas seulement des lieux communs, comme souvent dans la presse qui parle de cuisine. Et donc ce journal-là était considéré comme un support extrêmement attrayant pour les journalistes qui avaient envie de travailler là parce qu'il y avait cette ligne éditoriale. Cela dit, à l'extérieur du monde journalistique, les gens ne voient pas forcément la différence. Enfin, ce sont aussi des critères internes à la profession. Donc l'idée pour les journalistes, c'est de faire carrière en réussissant à intégrer ce type de support, sachant que ces formes d'importance des journaux peuvent être contradictoires entre elles, c'est-à-dire que les journaux gratuits ont une audience très forte, mais une reconnaissance professionnelle assez faible. C'est pas très prestigieux d'écrire pour Métro, alors que c'est très prestigieux d'écrire pour Le Figaro, qui a une audience plus faible, mais qui est un public socialement plus favorisé. Donc, bon, après, il y a des pondérations entre ces différents critères qui font que les supports sont plus ou moins attractifs. Et le fait est qu'en réalité, pour réussir à intégrer ces supports, il faut jouir déjà, quand on est journaliste, d'une reconnaissance professionnelle au sein de ses pairs. Comme les recrutements dans le monde journalistique se font quasiment uniquement par cooptation, c'est-à-dire que il n'y a aucune offre publique d'annonce pour être journaliste gastronomie. Bon, ça se fait uniquement par des gens qui sont déjà en place, qui vont vous dire que tel journal a besoin de quelqu'un. Donc, pour être coopté, il faut que ses collègues sachent qu'on est quelqu'un qui est compétent. Et donc, il faut parvenir déjà à se faire une notoriété, à acquérir une notoriété auprès de ses collègues, pour pouvoir ensuite intégrer un support important qui permettra, in fine, d'acquérir une notoriété auprès du large public. Donc pour ce faire, pour acquérir la notoriété auprès des collègues, il y a plusieurs solutions. Soit on multiplie les collaborations, donc plus on travaille dans des endroits différents, plus on va connaître de gens, et comme ce sont ces gens-là qui permettent d'accéder aux emplois, ça multiplie les possibilités d'avoir accès à des offres d'emploi. Il y a des possibilités aussi d'écrire des livres, publier un livre. Souvent les livres n'ont aucun succès éditorial, c'est-à-dire que personne ne va les lire en dehors du monde des journalistes, mais en revanche, ça vous crée une notoriété dans le monde journalistique. C'est enfin, ce qu'on appelle des. Ce n'est pas des succès d'édition, mais ce sont des succès d'estime auprès des pairs et qui permettent après de penser à vous lorsqu'on voit une offre d'emploi. Donc il y a tout un tas de stratégies pour permettre de se construire une forme de notoriété d'abord locale au sein du monde journalistique, puis ensuite éventuellement auprès du grand public. Donc ça, c'est à peu près la stratégie que suivent les journalistes qui cherchent à faire carrière dans le monde du journalisme gastronomique, ce qui est très proche des carrières dans les autres univers journalistiques. En revanche, il y a deux autres manières de se distinguer, enfin, il y a, oui, deux autres grandes manières de se distinguer sur lesquelles je vais m'appesantir aujourd'hui, qui sont là des stratégies beaucoup plus rares quantitativement. Une première, c'est d'avoir une stratégie d'innovation esthétique, c'est-à-dire d'inventer une nouvelle manière de concevoir la gastronomie, la bonne cuisine. La bonne cuisine, ce n'est plus je sais pas, le caviar, mais c'est la cuisine fusion avec des influences étrangères. Donc on redéfinit ce que c'est que la bonne cuisine. Donc ça, c'est la stratégie esthétique. Et la deuxième manière de se démarquer dans l'univers journalistique, c'est de réussir à imposer une nouvelle manière de faire de la critique gastronomique, une nouvelle procédure de travail. Alors, j'y reviendrai en détail dans les cas que je vais étudier. Notamment, c'est le cas du journaliste François Simon, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, qui a imposé une nouvelle manière de faire de la critique gastronomique en étant anonyme et en payant ses additions. Donc, qui est un peu il reprend en cela l'image qu'on a de l'inspecteur du guide Michelin, qui est alors je ne sais pas si vous avez en tête les films de Louis de Funès, Les loups la cuisse, où on a l'inspecteur du chemin qui va au restaurant caché, enfin déguisé, on va dire, avec différentes pipettes pour mesurer tout ce qui se passe dans le restaurant, qui est complètement anonyme et qui justement va évaluer de manière impartiale le restaurant. Donc ça, de promouvoir cette vision-là de la critique, et je vous montrerai comment François Simon a réussi à l'imposer, enfin en tout cas à créer sa notoriété à partir de cette position-là, ça permet de vous distinguer de vos confrères qui généralement ne peuvent pas en fait appliquer ces principes-là, puisque la plupart des journalistes, pour accéder au restaurant, sont obligés de se faire inviter par les restaurateurs, puisqu'ils n'ont pas de budget. En réalité, il y a très très peu de budget. Je crois qu'il y a deux, j'ai rencontré deux journaux en France qui payent les repas des critiques gastronomiques systématiquement. Les autres, c'est un peu, on paye de temps en temps, mais pas toujours ou pas du tout. Et donc, en fait, les journalistes pour lesquels on ne paye pas leur repas au restaurant sont obligés, pour aller manger quelque part, de se faire inviter par le chef ou par l'attaché de presse, et donc, de facto, perdent leur anonymat. Donc, quand ils vont manger, on sait que, comme ils sont invités, forcément, on sait qui ils sont. Et par conséquent, ils n'ont pas les moyens de travailler dans les conditions idéales typiques du guide Michelin ou de François Simon, comme on le verra. Donc, voilà, pour situer un petit peu les deux manières de se singulariser. Et donc, je vais étudier trois cas de singularisation. Le premier, c'est le cas de Christian Millau et Henri Gault dans les années 70. Alors, eux ont mélangé ces deux formes d'innovation. Ils ont à la fois créé une innovation esthétique en inventant ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine et créé aussi une innovation de procédé, parce que ce sont les premiers à avoir dit aussi, avoir promu cette manière de critiquer les restaurants en allant dans les restaurants de manière anonyme et incognito. Enfin, incognito et en payant ses additions. Et à partir de là, je vais étudier deux autres cas. Le cas de François Simon, donc lui qui a radicalisé l'innovation de procédé en mettant en scène en fait cette manière d'aller critiquer les restaurants en restant anonyme. Et le cas du fooding, je ne sais pas si ça dit quelque chose, c'est un mouvement qui a été créé dans les années 2000 par des journalistes gastronomiques là aussi. Et là, le fooding est plutôt du côté de l'innovation esthétique, puisqu'ils ont promu cette notion de fooding qui est une. Alors, je vous expliquerai un peu en quoi ça consiste. C'est assez flou, donc je ne pourrais pas vous expliquer très précisément, mais c'est une nouvelle manière d'envisager la cuisine de manière plus décomplexée. Alors, il y a différentes caractéristiques. On ne va plus juger simplement l'assiette, mais on va plus juger l'ambiance des restaurants. Bon, voilà. Donc, eux ont plutôt innové du côté des innovations esthétiques et pas du tout, enfin, moins du côté des procédures de travail. Alors, pour revenir sur Henri Gault et Christian Millau, donc, ce sont des journalistes à l'origine qui travaillaient à Paris Presse, qui est un journal qui a disparu depuis. Donc, ils étaient journalistes, pas du tout dans la gastronomie. À un moment donné, Henri Gault s'ennuyait dans ce qu'il faisait, je crois qu'il faisait les chroniques judiciaires, et on lui a mis une rubrique tourisme sous la direction de Christian Millau. Et c'est de là, en fait, qu'il a commencé à chroniquer les restaurants. Et alors, ils ont écrit une autobiographie professionnelle ensemble, et quand ils décrivent l'état de la critique gastronomique, donc au tournant des années 60-70, ils considéraient que la critique était extrêmement figée. Donc, il y avait déjà une conception de la gastronomie à l'époque qui était la gastronomie d'Escoffier, qui est une gastronomie très lourde, très riche. Les restaurants qui étaient valorisés, c'était les restaurants du guide Michelin qui étaient aussi valorisés pour leur opulence, pour leur richesse. Donc, il y avait tout le cérémonial de la table et une cuisine bien consistante. Et donc, Henri Gault et Christian Millau disent, dans un style dégoulinant de sauce à la crème, les critiques gastronomiques de leur époque, narre avec un comique involontaire les agapes de gros messieurs apoplectiques. Donc c'est un peu cette image-là de la critique qui était aussi lourde, on va dire, que la cuisine qui était décrite. Et les critiques aussi, à cette époque-là, étaient très amies avec les chefs, donc il y avait cette forme de connivence qui était complètement institutionnalisée. Donc on parlait des restaurants toujours d'une manière très très laudative et avec un style extrêmement emphatique. Alors j'ai pas d'exemple, mais quand ils disent avec les agapes de gros messieurs apoplectiques, c'était un peu ça, le style était vraiment le style agape, avec tout un vocabulaire un peu creux, mais très très emphatique pour décrire cette cuisine. Et justement, Henri Gault et Christian Millau, eux venaient d'un. Alors, les explications pour expliquer le succès d'Henri Gault et Christian Millau sont pas radicalement différentes de celles qu'ont mis en évidence les sociologues qui sont intéressés notamment à l'explication des trajectoires singulières dans les mondes artistiques. Pierre-Michel Menger avait fait un article, enfin, a écrit dans son livre une revue de littérature sur toutes les sociologies, enfin, toutes les théories sociologiques qui ont été mobilisées pour expliquer le succès de Beethoven. Et il montre qu'on peut mobiliser soit le génie de la personne, soit le contexte dans lequel il s'est trouvé, soit la conjoncture entre ce contexte et une trajectoire. Il y a différentes explications assez traditionnelles, et là qui s'appliquent assez bien pour Henri Gault et Millau, et Christian Millau, puisqu'en fait, donc eux ont une trajectoire assez singulière à cette époque, donc ils viennent du journalisme et ils entrent dans le monde de la critique gastronomique, donc ils vont importer des règles de travail journalistique à l'univers de la critique qui ne respectait pas vraiment ces règles-là à l'époque, où il n'y avait absolument aucune critique négative. Et puis, il se trouve aussi dans une conjonction historique tout à fait particulière, puisqu'il y a à la fois des changements dans le monde économique et social, on est au cœur des Trente Glorieuses, il y a la prospérité qui est là encore à ce moment-là, la tertiarisation de la société, l'apparition du groupe des cadres, et avec l'apparition du groupe des cadres aussi des nouveaux consommateurs un nouveau public pour la restauration. Donc on a un nouveau public de consommateurs qui, étant nouveau en ce sens où il ne fréquentait pas auparavant les restaurants, a besoin d'être guidé. Donc il y a cette demande, cette attente de guide et de conseils pour choisir des restaurants. Dans l'univers de la restauration proprement dite, il y a aussi beaucoup d'innovations et de changements à ce moment-là, notamment dans les techniques culinaires avec les techniques de conservation, de cuisson qui évoluent beaucoup, et les transports qui permettent aussi de cuisiner de manière un peu différente avec des produits plus frais puisque les temps de transport sont réduits. Et aussi dans l'univers de la restauration, c'est le début de la médiatisation des chefs et aussi le passage de témoins, enfin je ne sais pas comment dire, enfin un changement de rapport de pouvoir au sein des restaurants eux-mêmes, puisqu'auparavant c'était les restaurateurs qui étaient. On identifiait un restaurant à son restaurateur, donc au propriétaire du lieu, et après on va identifier le restaurant au chef, donc à la personne qui cuisine, qui n'est pas forcément la même personne. On peut être propriétaire d'un restaurant et employer un chef. Donc auparavant c'était le restaurateur qui était identifié à son restaurant, et à partir des années 70 notamment, ce sont les chefs qui deviennent valorisés. C'est pour ça aussi qu'on commence à médiatiser les chefs eux-mêmes, et qu'on associe une cuisine à un chef. Donc il y a ces mutations-là dans le monde de la restauration, dans le monde économique, et aussi dans le monde journalistique, comme je l'ai dit, avec l'introduction de techniques journalistiques dans le monde de la critique gastronomique. Donc bon, c'est un peu bourdieusien comme schéma, mais on peut voir une sorte d'affinité élective entre des nouveaux consommateurs, des nouveaux cuisiniers, et des nouveaux journalistes qui se seraient rencontrés à ce moment-là. Ce qu'ont fait Henri Gault et Christian Millau, ils ont eu deux actions principales sur le contenu de la critique gastronomique. Tout d'abord, ils ont changé les critères qui étaient mobilisés pour juger de la qualité d'un restaurant. Alors, selon eux, auparavant, le Michelin, comme je vous l'ai dit, jugeait l'opulence des restaurants, c'est-à-dire que pour être un restaurant classé 3 étoiles au Michelin, il fallait à la fois faire de la cuisine excellente techniquement, mais aussi avoir un décor assez opulent, assez riche. Donc on jugeait une table qui était. Et enfin, pour le dire autrement, Henri Gault et Millau ont dit, eux, on peut faire de la très bonne cuisine dans un restaurant avec très peu de moyens. Donc sur une nappe à carreaux dans la banlieue parisienne, on peut avoir de l'excellente cuisine qui mérite autant d'être valorisée que une table très opulente qui sera dans le guide Michelin. Donc ils ont essayé de changer les critères de ce qui était pris en compte dans la critique gastronomique en ouvrant l'espace des restaurants qui pouvaient être classés comme de qualité. Donc ils n'ont pas dit les anciens restaurants ne sont pas bons, mais ils ont dit il y a d'autres nouveaux restaurants qu'on peut classer comme étant eux aussi bons si on change les critères de jugement. Donc ça c'est la première chose, le changement de l'espace des critères de jugement. Et puis au sein des critères de ce qu'on appelait la bonne cuisine, au sein même du critère de la qualité culinaire, ils ont apporté aussi des modifications. notamment le passage que j'ai souligné tout à l'heure, de la cuisine opulente, traditionnelle, héritée du 19e siècle, à une cuisine beaucoup plus légère, inventive, à base de produits de marché, qu'on a appelée la nouvelle cuisine. Donc, ils ont à la fois élargi les critères de jugement et modifié aussi le critère de jugement de la qualité culinaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Go et Millau n'ont pas inventé la nouvelle cuisine, puisqu'il y avait déjà des chefs qui faisaient cette cuisine-là, qui faisaient de la cuisine plus légère à base de produits frais. Mais en revanche, l'innovation qu'ils ont apportée, c'est de nommer cette cuisine, de lui donner un nom, la nouvelle cuisine, et donc de la faire exister au travers de ce nom, et aussi de la théoriser pour la faire exister. Donc ils ont établi notamment les 10 commandements de la nouvelle cuisine. Alors, je vous les donne pas tous, mais le premier, c'est refuser la complication inutile. Le second, réduire les temps de cuisson. Le troisième, cuisiner des produits du marché, etc., etc. Donc il y a 10 commandements, en gros, il y a des règles qui permettent de savoir ce que c'est que la nouvelle cuisine. Donc ils ont réussi à formaliser quelque chose qui existait sans être nommé. Et en plus de cette formalisation-là, ils ont accompagné cette innovation, enfin l'innovation proprement dite de la nomination du phénomène de la nouvelle cuisine, par la création d'institutions qui ont permis de diffuser leurs pensées et de faire connaître cette notion de nouvelle cuisine. Et notamment, ils ont créé deux institutions importantes qui sont un guide, le guide Go et Millau, qui existe toujours actuellement, et le magazine Go et Millau, qui existe aussi toujours actuellement, c'est un magazine de recettes et de cuisine. Et puis ils ont aussi écrit une autobiographie pour aussi continuer à faire exister, enfin construire en même temps leur propre légende. Donc il y a eu une sorte d'effet performatif en nommant la nouvelle cuisine, et ils ont aussi contribué à la faire exister, puisqu'à partir du moment où ils l'ont nommée et où des grands chefs se sont ralliés à cette cuisine, d'autres chefs ont pu à leur tour revendiquer cette appellation de nouvelle cuisine pour attirer les clients, et les clients aussi pouvaient rechercher ce qu'était la nouvelle cuisine, alors qu'auparavant, tant qu'elle n'était pas nommée, on pouvait s'y diriger, mais sans savoir exactement ce que c'était. Donc ça, c'est devenu une forme de repère cognitif par la nomination de ce qu'était la nouvelle cuisine. Donc en réalité, l'innovation, on peut rendre compte de l'innovation d'Henri Go et Christian Millau par leur trajectoire, par le contexte et par la conjonction entre les deux. Mais ce qu'il est important de souligner, je pense, c'est tout ce travail qu'ils ont fait autour de l'innovation pour réussir à la faire exister, à l'imposer dans le champ journalistique et même dans le champ social, puisque ça a été repris au-delà du champ simplement de la critique gastronomique. Donc ils ont à la fois redéfini la cuisine, ils l'ont théorisée, ils l'ont aussi institutionnalisée. Donc il y a tout un travail pour faire exister cette innovation. Alors, je vais passer ensuite au second cas, qui est celui de François Simon. Alors lui n'a pas repris du tout à Henri Go et Christian Millau le côté innovation sur le contenu de ce qu'est la cuisine. Alors pour situer un petit peu, François Simon, c'est un journaliste gastronomique contemporain. Il a 55 ans, je pense, actuellement. Et c'est le journaliste de référence. Tous les journalistes parlent de François Simon dans leurs entretiens. C'est le modèle actuellement. C'est le journaliste le plus connu pour les amateurs de cuisine. Il travaille pour Le Figaro, enfin pour tous les titres du groupe Le Figaro. Il s'est fait connaître en travaillant, il a créé Le Figaroscope. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est le supplément culturel du Figaro du mercredi. Il s'est fait connaître en même temps en travaillant pour la chaîne de télévision Paris Première. Actuellement, il travaille sur Direct8, donc je ne sais pas si vous avez peut-être eu l'occasion de voir ce que je voulais vous montrer et que je ne pourrais malheureusement pas vous montrer. Ces critiques gastronomiques qui sont filmées. Il y a très très peu de critiques gastronomiques à la télé, donc c'est un des rares qui fait de la critique gastronomique à la télé. Et alors, ce qui est intéressant avec François Simon, c'est qu'il n'a absolument aucune des caractéristiques qui font que, généralement, les critiques réussissent à se faire connaître et reconnaître comme critique gastronomique. Donc il n'a aucun des éléments qui lui permettent a priori de se faire un nom. D'une part, il n'a pas mis au jour ni inventé de nouveaux mouvements culinaires, ce que je disais, il n'a rien inventé en termes d'esthétique culinaire. Il n'a pas non plus modifié les critères de jugement des restaurants, il juge à peu près avec les mêmes critères que n'importe quel autre journaliste aujourd'hui. Il n'a pas découvert non plus de nouveaux talents parmi les chefs, on ne le connaît pas pour avoir mis en évidence je ne sais quel chef qui aurait permis de se faire connaître parmi les amateurs de gastronomie. Il n'a pas non plus de guide à son nom, il n'a pas de publication, ni de revue, ni de guide à son nom, en son nom propre. Et les supports grâce auxquels il s'est fait connaître, donc Le Figaro et Paris Première, sont des supports qui ont une audience assez restreinte et socialement extrêmement sélective dans les deux cas, c'est plutôt des classes supérieures urbaines. Et donc on peut se demander comment rendre compte de la notoriété de ce critique, sachant qu'il n'a a priori pas les traits qu'on rencontre habituellement dans les critiques qui réussissent à se faire un nom. Alors, il y a deux choses qui ont permis de le faire connaître. D'une part, son assistance sur la déontologie journalistique, donc sa méthode de travail. Et d'autre part, à l'appui de cette méthode de travail, un style d'écriture assez particulier. Alors, un critique me disait, il a une écriture vitriolesque. Donc, au vitriol, il est assez, pas agressif, mais en tout cas décapant, on va dire. Et tout son travail de singularisation a reposé sur un travail de mise en scène de cette déontologie et de ce style d'écriture. Selon lui, en effet, lui aussi a une formation à l'origine qui est journalistique et il vient quand même d'une formation journalistique. Il a travaillé aussi avec Goemio, d'où il a eu cette idée que la bonne critique, c'était une critique anonyme et en payant ses additions. Cela dit, à l'époque où il a travaillé chez Goemio avait cette, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette idée de valoriser le procédé de réalisation des critiques comme devant être anonyme et en réglant les additions. Sauf que ce qui s'est passé pour Goemio et ce qui se passe pour beaucoup de critiques, c'est qu'au fur et à mesure de leur vieillissement dans la profession, ils sont devenus très connus, donc tout le monde les reconnaissait. Et donc, au moment où François Simon a travaillé avec eux, eux-mêmes ne travaillaient déjà plus dans ces règles-là, mais ils imposaient à leurs collaborateurs plus jeunes de le faire. Donc, il a été éduqué avec ces règles-là sans que Goemio, à l'époque, les pratique encore eux-mêmes. Donc, pour lui, pour François Simon, ce qui importe avant tout, c'est de faire du journalisme dans l'univers de la critique, donc en étant donc anonyme et en faisant ses additions. Donc, tout le problème, c'est de savoir comment on réussit à se faire reconnaître comme journaliste quand son credo, c'est d'être anonyme et d'être invisible. Donc, c'est un peu le paradoxe de cette stratégie, c'est d'arriver à être connu en faisant l'apologie de l'anonymat. Alors, il y a une entreprise qui a réussi à faire ça, c'est le Michelin, c'est le guide Michelin. Mais le Michelin a les moyens de le faire parce que le Michelin dissocie en fait l'anonymat de ses inspecteurs. On ne sait pas qui sont les inspecteurs, de l'image du guide qui est représentée publiquement par son directeur et qui parle au nom du guide. Donc le Michelin peut à la fois avoir une incarnation au travers de son guide, de son directeur, et en même temps tout en maintenant l'anonymat de ses critiques. Mais ça marche quand on est un guide, mais quand on est un critique singulier, c'est difficile de se diviser en deux. Et comme je vous l'ai dit, pour Goemio ont tenté de faire ça eux aussi, d'être anonymes et d'acquérir une sorte de notoriété, sauf qu'ils ont acquis la notoriété, mais ils ont perdu l'anonymat. Donc les deux semblent incompatibles. Or, François Simon réussit pour l'instant, puisque si vous cherchez sur Internet, il n'y a aucune photo de François Simon qui circule. Et il a réussi à mettre en forme un dispositif, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, un dispositif médiatique vidéo, où il réussit à se filmer en train de critiquer sans apparaître à la caméra, sans qu'on le voie. Donc il a un format d'émission tout à fait particulier. Alors il incarne complètement à la fois le mythe de l'inspecteur Michelin et Charles Duchemin dont je vous parlais tout à l'heure dans les films de Louis de Funès, puisque quand il raconte sa manière de travailler, alors il va au restaurant affublé d'une perruque parfois, il a des cartes de crédit avec des faux noms, donc il réserve toujours évidemment sous des pseudonymes. Sa caméra parfois est cachée dans ses montures de lunettes, donc c'est... ça va loin. Et un peu comme le fameux Charles Duchemin, il mesure la température du restaurant. Donc dans la vidéo, on voit la température qui s'affiche. On mesure aussi le niveau sonore du restaurant, donc avec l'idée qu'on va avoir une évaluation scientifique de la cuisine et détachée en partie de la subjectivité du critique, puisqu'on va mesurer objectivement ce qui se passe et complètement indépendante là, pour le coup du chef et du restaurateur. Donc tout ce dispositif-là donne aux spectateurs qui regardent ces vidéos l'impression d'être à ses côtés. Alors c'est une petite caméra qui est posée sur la table, donc on voit ce qui se passe autour de lui. On a l'impression d'être à ses côtés et pour le coup que lui-même est aux côtés du lecteur contre le restaurateur qui essaierait de lui vendre sa marchandise. Donc il y a toute une stratégie qui lui permet à la fois d'incarner sa déontologie et par cette incarnation de créer la sympathie avec la personne qui va regarder ces vidéos. Donc il reprend en fait à son compte tout cet imaginaire de l'exercice scientifique et anonyme du métier de critique, qui en pratique est complètement impossible, quasiment impossible à mettre en œuvre. Donc lui a tout ce dispositif de mise en scène. Il faut savoir que quand on interroge des critiques, alors c'est un lieu commun de dire que tout le monde le connaît dans le milieu et que les chefs le reconnaissent, enfin les grands chefs le reconnaissent en tout cas, et qu'en gros c'est un dispositif vraiment pour convaincre le spectateur plutôt. Alors il y a une partie qui est réelle, il croit dans ce qu'il fait, mais en réalité, le dispositif a quand même certaines failles empiriquement, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il l'a construit et comment cette construction... Il est tout seul, cet homme-là, il fait ça tout seul. Ouais. Il n'y a pas de collaborateurs qui vont travailler pour lui. Ah non, lui est complètement autonome, ouais. Et il travaille en plus, la plupart des journalistes sont pigistes, donc travaillent chez eux. Et lui a un bureau au Figaro qu'il n'utilise absolument pas. Et donc non. Alors il est tout seul. Enfin c'est assez compliqué parce que les journalistes aiment bien dire qu'ils connaissent François Simon et qu'ils sont amis avec lui parce que forcément c'est un peu le chef des journalistes gastronomiques. Lui-même dénie complètement, nie l'idée le fait qu'il aille au restaurant avec d'autres confrères. Le fait est qu'il va avec certains, alors sélectivement, il prend pas n'importe qui, et il prend des gens qui ont à peu près les mêmes méthodes de travail que lui, mais globalement, non, il travaille plutôt seul. D'accord. Mais donc il peut chroniquer qu'un nombre limité quand même de Oui, mais restaurants. c'est le cas de tous Ah oui. en réalité. Alors après, il y a des stratégies, il y a certains critiques. Quand on perd l'anonymat, ça a certains avantages. C'est qu'une journaliste me racontait, par exemple, que comme elle n'était pas anonyme, un repas de midi, elle travaillait aussi d'ailleurs pour le groupe du Figaro, comme quoi, enfin, la déontologie n'est pas forcément liée à un journal en particulier, parce qu'au Figaro, il y a des gens qui travaillent comme François Simon, il y en a d'autres qui travaillent à l'exact opposé. Et elle, donc, elle allait dans différents. Elle allait prendre une entrée dans un restaurant, un plat dans un deuxième restaurant et un dessert dans un troisième au même repas. Donc elle jugeait les restaurants sur un plat, mais ça c'était permis parce que justement elle n'était pas anonyme et elle pouvait, sinon, vous et moi, quand on va au restaurant, c'est un peu compliqué de dire je viens juste prendre l'entrée et je m'en vais après. Juste prendre le Donc dessert aussi. c'est un peu. Après, il y a des stratégies effectivement pour réussir à faire plus de restaurants, mais ça c'est le cas extrême. Sinon, en pratique, en réalité, il y a assez peu de place pour les restaurants dans la presse, donc il n'y a pas une Oui, demande si forte que ça pour avoir. C'est pas comme les guides. Alors, les guides, après, ont d'autres méthodes c'est pas des guides, ça. pour envoyer des questionnaires directement sans visiter les restaurants, pour pouvoir tous les chroniquer Mais il sans aller fait dans que chaque. Paris ou il fait la province aussi, ça prend pas Alors, seulement. la plupart, en fait, j'ai pas de statistiques, mais la plupart travaillent. Déjà, tous les journalistes gastronomiques travaillent à Paris quasiment. Il y en a très très peu en province. Après, effectivement, la plupart des restaurants chroniqués sont à Paris, en partie parce que les journalistes sont à Paris et aussi parce qu'il y a quand même un turnover de restaurants assez fort à Paris. Et après, ils se déplacent en province de temps en temps. Donc, la province et l'étranger. Parfois, François Simon aussi va à l'étranger, donc il va dans certains lieux à l'étranger. Mais disons que dans la place accordée dans la presse, c'est quand même essentiellement des restaurants parisiens. Et sauf sans doute dans la presse locale et régionale, mais à ce moment-là, c'est plus des gens spécialisés qui écrivent dans la presse locale. Souvent, c'est une personne qui va faire la rubrique gastronomie et d'autres rubriques, qui va pas être un journaliste spécialisé dans la cuisine. Alors que là, les gens dont je parle, moi, c'est des gens qui font que ça, qui parlent que de restaurants et de recettes, mais enfin de cuisine. Donc, je vous ai montré, malheureusement sans la vidéo, comment François Simon réussissait à incarner cette déontologie et cette procédure de travail dans ses productions audiovisuelles. En revanche, à l'écrit, c'est plus difficile de montrer patte blanche et de faire comprendre sa déontologie. Et donc, ce qui caractérise François Simon à l'écrit, c'est la justesse de son regard et son ton dont je vous ai parlé précédemment, qui est incisif. Parce qu'en réalité, les critères de jugement, comme je l'avais mentionné aussi, ne sont pas différents de ceux de ses confrères. Et la seule chose qui le différencie de ses confrères, ça va être la manière d'exprimer son jugement plutôt que le fond du jugement. Alors, je ne sais pas. Bon, la dernière partie sera plus rapide. J'avais une critique écrite par François Simon. Je peux vous en lire un morceau qui est assez. Alors, François Simon est connu, il s'est fait aussi sa réputation sur sa capacité à pas détruire, mais à être assez virulent contre certains restaurants. Alors, dans l'ambiance générale qui est qu'on ne critique quasiment jamais négativement un restaurant, lui s'est singularisé par ses critiques extrêmement négatives. Alors, ça demande tout un art, c'est-à-dire qu'il critique pas n'importe qui, n'importe comment. Enfin, il y a tout un. J'aurais pas le temps d'en parler ici, mais ça demande tout un travail, en fait, la stratégie de critique négative. C'est très payant parce que les lecteurs aiment beaucoup. Enfin, vous allez voir dans l'extrait que je vais lire, c'est assez savoureux à lire. Mais en réalité, on ne peut pas le faire avec n'importe qui. C'est-à-dire que François Simon s'interdit de dégommer un restaurant, un petit restaurant pour qui ça pourrait vraiment être préjudiciable s'il avait des critiques négatives. En revanche, il s'attaque sans problème à des restaurants très étoilés qui, de toute manière, ont une clientèle garantie, quelles que soient les critiques qu'on leur fasse, ou aux restaurants comme celui dont je vais vous lire la critique là, qui est un restaurant à Montmartre, en gros un restaurant à touristes qui vend très cher des plats pas très bons. Alors ça s'appelle Chez la Mère Catherine, sublimement nul. Donc c'est un restaurant montmartrois. Alors au début, il y a trois parties. Il y a une partie sur Montmartre, ensuite la salle et ce qu'on y mange. Connaissez-vous la place du Tertre? Vous devriez. C'est une sorte de petite planète sidérante. Vous remontez les ruelles de Montmartre lorsque, soudainement, vous quittez Paris. Vous tombez sur un terminal d'autobus, un mini Mont-Saint-Michel, un petit musée des horreurs hautement burlesque. On y photographie tout, la pointe de ses souliers, la plaque de la place, le bout de son nez. On vous hèle en anglais pour un menu promotionnel. Il y a là une joie désarmante de carton-pâte, de poulbeau pisseur, de béret basque, comme si Paris avait avalé une boîte de gouache, huit kirs royaux et sept baguettes. C'est ahurissant, poilant. On a envie de faire pareil, de marcher sur les mains et de ramasser 40 centimes. Mais bon, nous avons mieux. Dîner chez la mère Catherine, table emblématique de la place fondée en 1793. Donc on arrive, la salle. Vous voici dans une taverne parigote avec plancher craquant, nappe à carreaux, lumière abat-jourée. Le piano dévale quelques rengaines de la butte, c'est extra. Une sorte de bastringue cahotant avec gouaille, mélancolie. Pour un peu, une larme se serait échappée tant il y a ici comme un truc. Mais cela ne dure que quelques infimes secondes. Soudain, un anniversaire éclate et voilà notre pianiste obligé de suivre l'hymne du moment, « We are the champions », repris par la foule en vagues ondulantes. Oh purée de mince, ça fait bizarre. Le monde devient fou, des cohortes font presque la chenille vers les toilettes. La scène devient célinienne, on a envie d'aboyer, de devenir marteau, de gifler une fausse plante verte. Les plats. On sentait le coup, mais pas à ce point-là. Ça fait un choc à la France. Le poulet frit arrive dans un désastre de sécheresse totale. Une sorte de Sahel marronnasse et racornie. J'avais faim, mais je n'ai même pas mangé les frites tant elles étaient à la ramasse, courbées dans la misère graisseuse, le limbago de la friteuse. Salade minable, arrivant en solo mais facturée pour deux. Heureusement, on nous annonçait un fraisier maison, de laquelle on ne saura jamais. Mais celui-ci, jamais de ma vie, je n'avais vu un tel bourbier caoutchouteux, style flanc oublié sur une aire d'autoroute. Fraise fliquant autour, comme si elle ne voulait pas que le tourment ne sorte de l'assiette, l'aliéné de sa cage. Oh bon sang, si l'UNESCO venait à patrouiller dans le coin, on se ferait sortir de l'immatérialité à grands coups de pied dans le derrière. Mais encore, le service, ouf, seule bouée humaine, adorable et serviable, même le directeur de salle est prévenant, expliquant que la maison ne matraquait pas dans les coefficients de vin. Résultat, un côte-rôtis de gigale à 74 euros, un petit miracle. Faut-il y aller? Oh là là, mes pauvres chats, non. Est-ce cher? Regardez la note et frottez-vous les yeux. Et donc, pour son plat, il a payé 146 euros pour deux personnes. Enfin bon, sachant qu'il y a un côte-rôti à 74 euros, mais c'est à peu près, je sais pas, 40 euros le plat. Donc voilà, ça... Ça déménage. Ça déménage, voilà. Donc ça, il se le permet parce qu'effectivement, c'est un restaurant qui, de toute manière, critique ou pas critique, aura toujours des touristes Montmartre pour venir l'alimenter. Donc là, il se lâche un peu. Et effectivement... Dans ces émissions télé, c'est un peu le même ton parfois qui est assez incisif et très marquant. Et en fait, c'est un ton que la plupart des jeunes critiques aujourd'hui, les trentenaires, essayent d'imiter et essayent de reprendre cette forme d'ironie et ce choix des mots assez pointus. On ne peut pas toujours dire du mal des restaurants, sinon... Non, alors, il doit, de temps en temps, il doit bien faire des critiques. Oui, il fait des critiques, mais alors qu'ils sont moins forcés. Moins drôles. Moins drôles, effectivement. Donc là, je vous ai choisi l'exemple. Effectivement, c'est toujours plus drôle quand c'est méchant, qu'effectivement, ouais. Les critiques positives, c'est moins percutant, on va dire. Mais effectivement, il écrit quand même beaucoup de critiques aussi positives, mais toujours avec un ton quand même assez particulier. Et donc, à l'écrit, c'est ce style incisif qui permet de faire la preuve aussi de son impartialité. Le fait de critiquer négativement, ça montre bien que lui suit des méthodes de travail et qu'il peut se le permettre, ce que ne font pas les autres journalistes. Donc en fait, François Simon, ce qui le différencie des autres critiques, c'est moins la mise en œuvre de nouvelles règles de travail plutôt que la mise en scène de l'exercice de ces règles de travail. Et il se pose donc comme le critique qui est au service des lecteurs et non pas au service des restaurateurs. Dernier exemple, le fooding. Alors ça va être un peu plus rapide, où il y a un peu à la fois le fooding aussi a été un peu influencé par François Simon, mais pas complètement. Le fooding, c'est un mouvement culinaire qui a été créé le mot fooding est né en 1999 par ces deux journalistes qui l'ont créé, Alexandre Camas et Emmanuel Rubin. Et au départ, en réalité, donc c'est une nouvelle conception de la cuisine, mais quand ils ont créé ce mot-là, c'était pour faire une rime en ing. Dans un article, alors c'était des journalistes qui travaillaient à Nova Magazine, un magazine qui n'existe plus mais qui était dans le groupe de Radio Nova, donc je ne sais pas si vous voyez un peu le type de public, c'est quand même un public branché parisien, plutôt jeune, et avec un certain pouvoir d'achat aussi. Donc ils sont vraiment dans cette mouvance-là, on a qualifié leur cuisine de cuisine de bobo, c'est un peu cette idée-là, donc... L'idée à la fois être jeune, branché et avoir suffisamment de moyens pour aller dans les restaurants pas forcément donnés. Donc au départ, c'était vraiment une rime, une contraction de food et feeling, donc la nourriture, sentiment. Et pour faire une rime en ing, il n'y avait absolument rien derrière, c'était un bon mot de journaliste. Et en réalité, à partir du moment où ils employaient ce mot, ça a été repris, alors pas n'importe où, ça a été repris par Thierry Ardisson sur Paris Première, je crois, donc le même aussi, quand même le même type de média. Et ils se sont dit, bah, si le mot marche, ce serait peut-être l'occasion d'en faire quelque chose. Donc de théoriser une nouvelle conception de la cuisine qui serait ce fooding. Donc la conceptualisation est arrivée après l'existence du mot, ce qui est un peu l'inverse de la nouvelle cuisine, où la nouvelle cuisine existait déjà avant que le mot soit créé. Alors la conceptualisation reste quand même assez faible du fooding. Quand on interroge Alexandre Camas et ses confrères, il y a deux choses qui reviennent. Une idée de modernité, donc le goût de l'époque, l'idée qu'on est dans le vent, et l'idée de désacralisation de la cuisine, donc il faut faire une approche plus rock'n'roll, plus cool. Alors ça, ce sont les expressions qui sont utilisées pour la qualifier. Et en même temps, le flou est consubstantiel de cette notion-là, puisque vu qu'il s'agit de désacraliser, les journalistes ne veulent pas en même temps recodifier une nouvelle norme culinaire. Donc, ils refusent de définir ce que serait la bonne cuisine du fooding. La cuisine, c'est la cuisine telle qu'on la ressent, c'est très, très intuitif. Alors, ça ne me satisfaisait pas complètement, donc je suis allée voir les différents journalistes qui travaillent pour le fooding. En réalité, donc il y a un guide fooding qui a été créé, donc dirigé par Alexandre Camas. Aujourd'hui, Emmanuel Rubin est reparti... Il dirige un magazine masculin, il s'est un peu détaché de la critique gastronomique. Et donc, il y a plusieurs critiques, beaucoup de la jeune génération. Alors autrefois, il passait par Goemio pour rentrer dans le monde journalistique. Maintenant, il passe beaucoup par le fooding. Et donc, ces gens-là, quand ils vont tester un restaurant, il y a quand même des règles pour écrire, pour avoir une approche fooding de ces restaurants-là et pour savoir de quel restaurant on parle. Donc, j'ai trouvé trois critères. D'abord, l'importance accordée à l'ambiance des lieux par rapport à la cuisine. Donc, le primat, c'est l'ambiance. Donc, on peut manger un peu moins bien du moment que l'ambiance est sympa et que, enfin, une ambiance en tout cas particulière qui mérite le détour. Le deuxième point, c'est le relâchement des critères de jugement purement culinaire. Ça va un peu avec, c'est-à-dire qu'on peut accepter une cuisine qui soit un peu moins bonne si il y a de la bonne musique et des gens sympas autour. Et le troisième élément, c'est un ton qui est très relâché et qui se veut aussi impertinent. Alors, c'est pareil, j'avais des extraits de critiques du fooding. Donc, il y a un ton très familier, un peu provocateur, un peu aussi ironique dans la veine de François Simon, mais avec beaucoup de références non explicitées qui s'adressent aux jeunes qui s'y connaissent en gastronomie, on va dire. Et le quatrième élément aussi, c'est la revendication d'une déontologie. Alors là, c'est aussi sujet à beaucoup de débats au sein, parce que c'est plus ou moins respecté, mais eux aussi se revendiquent, comme François Simon, d'une approche déontologique avec publication des additions. Donc sur chacune des critiques publiées, vous avez la photo de l'addition pour montrer qu'on a payé et qu'on n'était pas invité. Alors, donc ça, c'est quand même un type particulier de restaurant, donc les restaurants plutôt à la mode et conceptuels, et à destination aussi d'un public un peu spécifique, qui sont ce qu'on a appelé par facilité les bobos parisiens, donc et d'une certaine manière, on peut analyser l'émergence du fooding un petit peu de la même manière que j'ai analysé l'émergence de la nouvelle cuisine chez Goemio, par une adéquation entre un nouveau public de la restauration, des nouveaux types de restaurateurs et des nouveaux journalistes qui vont condenser un certain état d'esprit à un moment donné. Donc par ces histoires d'homologie, bon, c'est un peu rapide, mais disons que ça permet, c'est une première grille de lecture pour comprendre la réussite du fooding. Après, ce qui distingue le fooding de Goemio, c'est les moyens employés pour se faire reconnaître. Alors, pour se faire reconnaître, déjà, en dépit du discours pas contestataire, mais de remise en cause des institutions, en réalité, le fooding s'est quand même fait adouber par les acteurs les plus en place dans la critique gastronomique, dans le monde de la cuisine et de la critique gastronomique. Typiquement, sur les premiers événements qu'ils ont organisés, alors je reviendrai, ils organisent aussi des événements. Ils ont invité le journaliste du Monde, qui n'est pas du tout connu pour son caractère rock'n'roll, et ni même, enfin lui a vraiment les pratiques des anciens journalistes, donc il n'est pas très considéré dans la profession en termes journalistiques, on va dire, même s'il a, par le fait qu'il écrit dans le Monde, une audience assez importante. Donc ils ont invité cette personne-là, qui ne correspond pas du tout à leur idéal en termes de déontologie et de branchitude, si on peut dire. Et ils ont aussi fait leur premier événement au Café de Flore, qui n'est pas non plus une institution à l'heure actuelle spécialement branchée à Paris. Enfin, il y a d'autres lieux. Donc ils sont quand même passés par ces institutions, à la fois ces personnes qui sont des institutions dans le domaine de la critique et ces lieux qui sont des institutions, pour réussir à imposer leur notion de fooding. Donc la stratégie de subversion, enfin, c'est un peu ce que montrait déjà pour le coup Bourdieu dans la mode et ce que Pierre-Marie Chauvin aussi montrait dans son article sur, Parker, le critique de vin Parker. La stratégie de subversion repose quand même beaucoup sur un équilibre entre la promotion de la nouveauté et puis aussi une assise institutionnelle sur des institutions ou des personnes qui sont déjà bien en place et bien reconnues dans le domaine en question. Alors, ce qui distingue les fondateurs du fooding de Goemio, c'est le mode d'institutionnalisation de leur innovation. Alors, Goemio, l'institutionnalisation, si vous vous souvenez, est passée par la création d'une revue, d'un guide, qui a permis de véhiculer leur notion de nouvelle cuisine auprès du public. Alors aujourd'hui, créer une revue, c'est compliqué économiquement, et créer un guide, ça n'a pas beaucoup d'impact. La plupart des journalistes que j'ai rencontrés avaient tous, pas tous, mais beaucoup ont eu des guides à leur nom, ont travaillé pour des guides. Ça ne permet plus d'obtenir une reconnaissance, d'une part parce qu'il y a énormément, aujourd'hui, il y a énormément de guides. À l'époque, quand Goemio ont créé leur, il n'y avait que le Michelin et peut-être un ou deux autres guides qui avaient une assez faible audience. Aujourd'hui, il y a pléthore, si vous allez dans les rayons de la FNAC ou autre, vous verrez, il y a pléthore de guides gastronomiques papier. Et puis aussi, il y a la concurrence d'Internet qui est très très forte, qui fait que vous avez des guides gratuits disponibles sur Internet, qui font que, voilà, éditer un guide papier, avoir un succès avec un guide papier, ça devient quand même relativement compliqué, à moins d'avoir déjà un nom. Le fooding est un guide à son nom, mais qui est vendu parce que la marque a déjà... C'est pas le guide qui a permis de reconnaître le fooding, c'est le fooding qui permet de vendre plutôt son guide. Donc, l'institutionnalisation par la création d'un guide n'était pas possible, et, enfin pas possible, était en tout cas pas très payante. Et donc, la solution qui a été adoptée très rapidement, ça a été de créer une structure entrepreneuriale d'événementiel gastronomique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'événementiel gastronomique? Il y a d'autres exemples, il y a un cas dont je ne parle pas ici, je ne sais plus si j'avais annoncé, qui est omnivore, qui est un peu le même, qui a exactement la même trajectoire que le fooding, sauf qu'il s'adresse plus aux professionnels qu'au grand public. Fooding, ça s'adresse au grand public. Donc l'événementiel gastronomique, c'est la première, enfin, en 2000, il y a eu la première semaine du fooding. Donc le fooding organise une semaine du fooding qui consiste... Alors il y a eu plein d'événements depuis, moi je suis allée à quelques-uns de ces événements. Alors il y en a un qui était un pique-nique, c'était les grands foodings d'été, il y en a eu un à Paris qui avait lieu juste là derrière sur le parvis de la BNF. Donc on invite des chefs fooding, un peu à la fois très reconnus et en même temps qui font de la cuisine un peu moderne, on va dire fusion, etc. Ces chefs ont des petites cuisines mobiles où ils font des petites portions. Alors c'est excellent, mais... on attend à peu près 1 ou 2 heures pour avoir une portion grosse comme ça, et après on retourne faire la queue au chef suivant. C'est assez spécial comme événement, c'est rempli de monde, il y a énormément de gens, donc ce sont jeunes parisiens très profil bobo pour le coup là, typiquement. Il y a un DJ, alors en l'occurrence quand j'étais allée ici, c'était Mouloud Achour qui est à Canal+, donc c'est aussi c'est un peu toujours les mêmes... le même état d'esprit, c'est un peu l'esprit Canal+, un rock, etc., etc. D'ailleurs, le fooding est assez proche des un rock. Donc voilà, c'est ce genre d'événement avec de la musique, de la nourriture qui est bonne, mais où au fond, il ne se passe pas grand-chose. Et l'autre événement où j'étais allée, c'était un food camp. Alors ça avait lieu au musée d'art moderne au sud de Paris, qui est quand même connu. En banlieue parisienne, il y a un musée d'art contemporain. Ouais, voilà, à Ivry. Donc c'était dans la pelouse du musée d'art contemporain. Il y avait des chanteurs, les Brigitte, je ne sais plus trop qui, enfin des chanteurs un peu à la mode. Et pareil, de la cuisine, tout le monde était assis dans l'herbe à manger des petites portions de nourriture, encore une fois excellente mais peu copieuse. Et donc voilà, c'est vraiment l'ambiance qui compte, et l'ambiance musicale, l'ambiance un peu people aussi. Et un petit peu de cuisine, et le fait est que ça draine énormément de public. Et alors surtout l'intérêt qu'il y a pour le fooding, alors ce sont des événements qui rapportent pas d'argent pour le fooding, en fait tous les bénéfices sont reversés à Action contre la faim, enfin pour les événements anciens. En revanche, il y a un système économique de mécénat, ils sont sponsorisés par des marques, Häagen-Dazs ou autres, ou par des producteurs de matériel agroalimentaire. Et ils payent en revanche les chefs qui interviennent sur leurs événements. Et c'est payant ça coûte 5 euros, je crois, les entrées pour les spectateurs, enfin les participants. Donc en soi, ce n'est pas une activité extrêmement rentable. En revanche, ça a une rentabilité en termes de marque, puisque alors, j'ai trouvé un article en 2000 qui était assez intéressant. C'était un article qui était paru dans Libé, qui était assez vitriolesque là aussi sur le fooding. qui en gros c'était le premier événement du fooding, donc la semaine du fooding, et le journaliste de Libé critiquait très très violemment cet événement en disant que c'était un événement pour Bobo, que ça n'avait aucun sens, qu'il n'y avait pas de fond derrière, en gros c'est simplement du marketing, il y a très peu de fond derrière en termes de cuisine. Et alors tout l'intérêt de cet article, c'est que cet article à la fois critiquait la notion de fooding et en même temps offrait au fooding deux pages ou une page, enfin c'est un article assez conséquent, dans Libération, qui a une diffusion nationale et qui permet de faire connaître la notion de fooding. Donc l'événementiel, en réalité, c'est aussi un support pour arriver à faire connaître le mouvement, plus qu'en soi un... Alors, moi maintenant, je pense que ça a beaucoup évolué, donc aujourd'hui, c'est vraiment une grosse entreprise économique, mais au départ, c'était quelque chose d'assez précaire économiquement, mais qui a permis d'imposer cette notion, de la faire connaître. Donc, le fooding se fait connaître à la fois directement auprès du public par le biais des événements et par le biais des publications, par notamment son guide, mais il se fait aussi connaître à un deuxième niveau par le biais de la presse qui parle des événements fooding. Et étant donné que ce sont des journalistes qui sont très liés au monde journalistique et au monde un peu artistique, ils ont une audience assez, enfin ils ont un accès très facilité aux médias, ce qui fait qu'on parle assez souvent d'eux dans la presse. Et ce qui pose d'ailleurs des questions, parce que avec ce modèle qui est aussi le modèle d'Omnivore, qui est un peu le même type, sauf que le public n'est pas le même, on se rend compte que finalement, pour devenir connu comme critique gastronomique aujourd'hui, il faut d'une certaine manière cesser d'être un intermédiaire, un critique qui va servir d'intermédiaire entre les producteurs de gastronomie et les consommateurs, pour devenir soi-même un producteur de l'actualité gastronomique. On n'est plus seulement celui qui va commenter ce qui se passe dans les restaurants, mais on va devenir aussi acteur en créant soi-même des événements dans le monde de la gastronomie. Donc il y a une sorte de... Oui, pour être reconnu comme journaliste, il faut ne plus être journaliste d'une certaine manière. Et ce qui pose aussi beaucoup de... Enfin, ce qui entraîne beaucoup de débats dans le monde des journalistes gastronomiques qui critiquent les dérives économiques du fooding en disant ce ne sont plus des journalistes, maintenant ce sont des entrepreneurs et c'est pas ça le métier de journaliste. Mais en même temps, c'est grâce à ça qu'ils sont reconnus aussi comme journalistes. Donc il y a cette ambivalence qui n'existait pas au moment de Go Emilio. Donc il y a une dimension aussi performative, là cette fois-ci non plus par le guide, mais par l'événementiel qui permet de faire exister la réalité qu'on décrit. Donc pour conclure assez rapidement, on voit qu'il y a deux formes d'innovation qu'on retrouve à différentes époques, qui sont plus ou moins radicalisées, et dans tous les cas, il y a un travail qui est mis en œuvre pour faire exister ces innovations. Il ne suffit pas d'inventer un nouveau concept, il y a tout un travail de mise en forme. Alors ce travail est un peu différent dans le cas des innovations esthétiques que dans le cas des innovations de procédés, puisqu'on a vu François Simon a des dispositifs assez particuliers pour se faire reconnaître comme critique qui sont assez différents de ceux de Go Emilio et du fooding, qui là passent plutôt par la création de magazines ou la création d'événements. Et je vais m'arrêter là, je pense. Voilà, c'est à peu près là. D'accord, merci Sylvie. Bon, vous avez des questions? Une question d'éclaircissement. J'ai pas très bien compris, parce que j'ai cru que tu allais nous parler de la profession de journaliste gastronomique à partir de gens qui travaillent sur des supports hors guide. Alors, est-ce que j'ai mal compris ou... Oui, c'est ça. Alors pourquoi tu nous parles dans ce cas du guide, des gens qui travaillent pour le guide fooding ou les gens qui travaillent pour le guide Go Emilio? Alors, parce que sur tes trois exemples, on a deux qui sont hors champ par rapport à ce que tu... Alors, dans les deux cas, Go Emilio, en réalité, au départ, écrivait dans la presse. Leur première critique, ce qui les a fait connaître, c'est les critiques qu'ils écrivaient pour Paris Presse. Mmh. Et ensuite, ils ont créé un guide. Mmh. Donc, en tant qu'auteur, enfin, que guide à leur nom, mais c'était plus eux-mêmes qui écrivaient, qui chroniquaient, enfin... À partir du moment où on crée un guide, c'est pareil pour le fooding, c'est plus le journaliste qui a créé le guide qui fait tout, qui teste tous les restaurants. Mmh. Donc ça suppose, enfin, pour que le guide ait une existence, il faut déjà que la notoriété soit construite, enfin, que la notoriété soit faite au sein de l'univers de la presse. Donc là, le guide, c'est un support qui va renforcer cette notoriété, mmh. Mais Go Emilio ont créé aussi un magazine gastronomique et ont continué d'écrire dans la presse. Donc tu veux dire que le guide est finalement un élément du parcours du journaliste gastronomique. Oui, c'est ça. Et alors, quel est alors, en fait, la différence, ce que je veux dire, il y a deux choses. Les guides, généralement, sont créés, quasiment tous les guides ont été créés par des journalistes. Donc il y a le guide Lebet, guide Pudlowski, sauf le Michelin qui est toujours un peu à part. La plupart des guides sont créés à la base par un journaliste, donc qui le dirige, mais qui a une activité dans la presse. Enfin, quand je dis journaliste, ça veut dire quelqu'un qui a une activité dans les médias et dans la presse. En revanche, quand je disais que j'excluais les gens qui travaillent pour les guides, ce sont tous les enquêteurs, et alors pour le Michelin, on parle d'inspecteur, mais pour les autres guides, on parle d'enquêteur. Et là, dans ce cas-là, ce sont des personnes, quasiment dans tous les guides, ce sont des personnes qui ont un métier, une profession, ça peut être vous et moi, c'est pas très très compliqué de devenir critique pour un guide, qui ont une profession et en fait qui ne gagnent pas du tout d'argent en écrivant dans ces guides, puisque parfois ils sont défrayés, c'est-à-dire qu'on va leur payer éventuellement leur transport et parfois éventuellement on leur paye leur repas, sinon ils se font inviter, et sinon ils produisent ça complètement, quasiment gratuitement. Donc ce ne sont pas des professionnels qui vont écrire, et la différence aussi avec les journalistes gastronomiques, c'est que ces personnes-là qui écrivent dans les guides, donc si vous et moi on écrivait dans un guide, en fait on remplit une fiche, on va au restaurant, on remplit une fiche, on coche des cases en disant voilà, on a mangé ça, ça et ça, et c'était plutôt bien, propre, sale, machin, etc. On envoie la fiche au directeur du guide ou à son secrétaire, et après il y a quelqu'un qui réécrit derrière. Donc le contenu, enfin ce qui est écrit, le style littéraire du guide, ne dépend pas des personnes qui vont dans les restaurants, parce que à la fois il y a une exigence d'homogénéité du guide, faut pas qu'on ait des personnes qui écrivent de manière radicalement différente au sein d'un même support, et d'autre part les gens qui vont dans les restaurants peuvent être de très bons goûteurs mais de très mauvais écrivains. Donc ça permet, en fait c'est écrit par quelqu'un d'autre, donc c'est assez différent des journalistes dont moi je parle, à toutes ces personnes dont je parle qui écrivent elles-mêmes leurs textes. Et le Michelin c'est pareil, c'est un guide où, alors là ce sont des professionnels de la restauration qui écrivent dedans. Ce sont des gens qui ont un parcours dans le monde de l'hôtellerie-restauration, qui ont fait des CAP, etc., qui ont une formation professionnelle. Et eux-mêmes aussi n'écrivent quasiment pas les notices du guide Michelin. Sont très, très, c'est d'ailleurs ce qui est souvent reproché au guide Michelin, c'est qu'en gros, ils ne justifient pas ses avis. Vous avez les 3 étoiles, et après, on dit quasiment rien sur l'établissement. Il n'y a pas de jugement critique. D'accord. Juste pour compléter ma question, est-ce que là, tu nous donnes trois exemples, mais à partir desquels il est peut-être un peu difficile de monter en généralité. Est-ce que tu as essayé de caractériser cette profane, enfin, c'est comme il y a des bouquins sur les journalistes scientifiques avec tout un travail classique en termes de parcours, mais en termes également de caractéristiques, de formation. Et donc, est-ce que tu as fait ce travail pour les journalistes gastronomiques en essayant d'avoir une approche un petit peu systématique de cette population ? Par-delà tes cas d'études, ouais. Et comment ils se placent par rapport à la population générale, ces cas-là ? Oui, alors j'ai un autre chapitre de ma thèse qui portait effectivement sur aussi en grande partie sur les critiques de restaurants. Enfin, dans les journalistes gastronomiques, il y a les critiques de restaurants dont je parle ici, et il y a aussi des journalistes culinaires qui écrivent des recettes qui ont un profil un tout petit peu différent. Souvent, les journalistes de recettes, c'est quasiment exclusivement des femmes. Gastronomique, c'est hommes et femmes, et j'ai étudié leur parcours effectivement. Alors, c'est difficile parce que c'est dans l'absolu, c'est une très petite population. J'ai rencontré 25 journalistes critiques de restaurants et 12 de recettes. Mais indépendamment de ceux que tu as rencontrés, est-ce que tu as une estimation de la population que ça représente ? Alors, j'ai des estimations que j'ai plus en tête ici, mais c'est en gros, j'ai rencontré à peu près toutes les personnes qui écrivent dans les grands supports. Il y a alors, hormis les jeunes qui sont arrivés depuis le moment où j'ai fait mon enquête, au moment où j'ai terminé mon terrain, j'avais à peu près la plupart des gens qu'on peut lire aussi bien dans la presse féminine, dans la presse quotidienne, dans la presse hebdomadaire, dans la presse spécialisée. Donc c'est une population qui est quand même extrêmement restreinte. Et donc j'ai vu sans doute aussi plutôt la partie émergée de l'iceberg, plutôt les gens qui étaient un peu plus connus. Effectivement, je pense qu'il y a aussi des gens qui font ça. Alors le problème, c'est que ce sont des professions où les gens peuvent faire ça une partie de leur carrière et après changer de secteur journalistique. Et donc moi, j'ai vu ceux qui étaient restés en place. Est-ce qu'il y a un profil type pour devenir journaliste gastronomique ? Est-ce qu'il y a une formation particulière ? Non. Alors le profil dans les gens que j'ai vus, mais alors c'est sur 25 personnes, donc il faut quand même avoir ça aussi en tête. Il y avait 3 générations. Il y a la génération des plus de 60 ans, qui sont souvent des hommes, peut-être une femme, avec des très très vieux, qui sont encore en activité, 90 ans. Et donc ceux-là, en fait, ont un parcours, souvent, on le parcours des gens que je décrivais comme écrivant dans les guides, c'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent d'un métier autre. Il y en a un qui était, typiquement, le critique du Monde était architecte avant d'être journaliste gastronomique. Et en gros, qui s'intéressait, souvent c'était des professions libérales qui avaient l'occasion d'aller beaucoup au restaurant, et donc qui aussi par des connaissances relationnelles dans le monde de la presse sont progressivement entrés dans ce métier-là. Donc ceux-là, et en plus ils ont des pratiques aujourd'hui qui sont un peu critiquées par les jeunes générations, donc eux n'ont pas des pratiques extrêmement à cheval sur la déontologie. Donc il y a cette génération-là. Ensuite, il y a une génération, les 30-45 ans, enfin François Simon, un des plus âgés. Alors ceux-là, il y a deux profils. Soit ils viennent en partie du monde journalistique, c'est-à-dire qu'ils étaient journalistes dans d'autres spécialités et à un moment ils sont passés à la gastronomie. Soit ils sont venus directement au journalisme gastronomique. Et alors leurs caractéristiques professionnelles, il n'y a aucune formation. Alors il y a quand même, par rapport à la population journalistique en général, il faut savoir que les journalistes, il y en a très peu qui sont formés en stock, enfin dans le stock des journalistes actuels, il y en a très peu qui sont passés par des écoles de journalisme. Dans les flux entrants de nouveaux journalistes, il y en a sans doute beaucoup plus, mais en tout cas, si on regarde en coupe, actuellement, la plupart des journalistes ne sont pas passés par des écoles. Il y en a une proportion relativement importante dans mes journalistes gastronomiques qui sont passés dans des écoles, mais relativement à la population générale des journalistes, sachant que dans les écoles, il n'y a pas de formation à la gastronomie du tout. Hein. C'est pas une formation, c'est une formation généraliste sur le journalisme en général. En revanche, tous les journalistes qui ne sont pas passés par des écoles de journalisme, souvent ont une caractéristique, il n'y en a aucun qui a une formation culinaire. Je crois personne dans les journalistes que j'ai rencontrés n'avait une formation de CAP de Ça peut paraître cuisine, surprenant à la ce qui est limite. assez paradoxal. Bah oui, moi c'était un de mes Oui, parce étonnements. qu'on peut se dire pour juger de la cuisine, il faut savoir la C'est pour ça que faire. le Michelin est très à part, parce que le Michelin embauche justement des gens qui viennent du monde Ah pour des oui. critères techniques. Et ce n'est pas les restaurateurs qui deviennent critiques, Non, quoi. Ça n'existe pas. aucun n'avait une formation. Alors si Alexandre Camas du Fooding, lui, a fait une formation en école hôtelière, mais alors il a un parcours complètement statistiquement. Enfin, c'était assez improbable. Non, pas improbable, mais disons que pour lui, c'était une erreur de parcours d'aller en école hôtelière. En gros, il était au lycée Stanislas à Paris, dans le 6e arrondissement. Ses parents étaient restaurateurs d'origine auvergnate, donc à Paris, implantés, et ses parents voulaient qu'il reprenne les établissements qu'il possédait. Donc ses parents l'ont forcé à aller à l'école hôtelière à Strasbourg, mais lui avait senti et il s'est senti complètement dépaysé là-bas parce qu'il était en décalage complet avec les autres étudiants qui n'avaient pas lui venait des lycées parisiens, etc. Et lui, son rêve, c'était de faire Sciences Po Paris, donc il n'était pas du tout, il n'avait pas le profil type des gens qui vont en école hôtelière, on va dire. Et il s'en est échappé dès qu'il a pu, Enfin, il est dès qu'il a revenu quand pu. même à la cuisine par Il est d'autres revenu à la aspects. cuisine, ouais, mais plutôt du côté littéraire où on écrit, et pas du côté où on l'a fait. Et en fait, la plupart des journalistes, leur trait principal, c'est que la plupart, déjà, ils sont extrêmement diplômés. Peut-être même plus que la population des journalistes en général. Les journalistes gastronomiques, la plupart ont des bacs plus 5, plus 4-5, ce qui est assez. Sachant que c'est un métier qui n'a pas de. À l'entrée, il n'y a aucune exigence en termes de diplôme. Et beaucoup de formations littéraires, beaucoup de Sciences Po, de formations, oui, en histoire, en lettres, donc formation à l'écriture. En fait, leur compétence, leur cœur de compétence, c'est plutôt l'écriture que la technique gastronomique, si on veut. Et après. Alors après, ce qui est compliqué, c'est quand on voit les jeunes. J'ai interrogé aussi des très jeunes journalistes. Il y en a qui sont là par voie de garage parce qu'ils n'ont pas trouvé. Ils voulaient être journalistes de rock et puis il n'y avait pas de poste dans le journalisme musical. Donc ils sont venus à la gastronomie un peu contraints et forcés sans rien y connaître et sans être très motivés. Donc ceux-là, je pense que dans quelques années, s'ils peuvent, ils s'en échapperont. Et il y en a d'autres qui font ça vraiment par passion, mais c'est. Après, les trajectoires aussi dépendent des structures d'opportunité. C'est-à-dire qu'à un moment donné. Les premières générations de journal, enfin les générations les plus anciennes, le journaliste gastronomique était complètement dévalorisé. À l'époque de Goemio, quand eux-mêmes sont rentrés dans le journalisme gastronomique, c'était vraiment la spécialité. Alors, c'est une spécialité qui a une histoire assez particulière parce qu'au sortir de la guerre, il y a toute une mythologie, enfin une mythologie. C'est en partie mythologique, en partie vrai. Au sortir de la guerre, les journalistes qui avaient collaboré, les journalistes français qui avaient collaboré avec le régime de Vichy, avec les Allemands. Notamment les journalistes politiques et économiques ont été épurés, enfin il y a eu une épuration dans le domaine de la presse. Et une des solutions pour en garder quelques-uns sans complètement les virer de la presse, ça a été de les mettre à la rubrique gastronomie. Donc on a créé beaucoup de rubriques gastronomie à cette époque-là, et notamment le cas emblématique, c'est Robert Courtine, qui est le Ah journaliste oui. du Monde, qui a été au Monde pendant 30 ou 40 Et ans, je lui, crois. c'était un ancien collabo. C'était un journaliste, anciennement journaliste politique, et Tiens, Hubert Mevmery a dit c'est mon meilleur collaborateur, avec ironie. Donc lui, il avait payé d'ailleurs, je crois qu'il a fait de la prison avant Ah oui. et après il a été réintégré par Hubert Mevmery au Monde en tant que journaliste gastronomique. Donc c'est un peu une rubrique infâme, c'est pour ça que les journalistes ont une relation très très particulière avec leur métier, à la fois eux-mêmes le déprécient beaucoup, en partie à cause de cet héritage qui est plus ou moins fantasmé, parce qu'en réalité il y a eu très peu de cas, enfin moi j'ai essayé de vérifier ça. Il y a ce cas de courtine qui est répété partout, il y a deux autres cas, j'ai trouvé. Et sinon, en fait, c'était très très minoritaire ce fait de reléguer des journalistes à la rubrique, mais ça a marqué durablement l'idée que la rubrique était vraiment une rubrique poubelle, quoi, en gros. Et c'est aussi lié au contexte, parce qu'à l'époque, au sortir de la guerre, c'était le rationnement, donc les restaurants, c'était pas la rubrique prioritaire. Donc, à une époque, c'était très mal vu d'aller dans le journalisme gastronomique, donc c'était des gens qui étaient plutôt contraints de le faire. Et après, ça a été revalorisé. Goë et Millau ont participé à la revalorisation de cette rubrique, et c'est pour ça que dans les trentenaires, quarantenaires, il y a des gens qui vraiment voulaient faire ça et qui sont rentrés là par choix. Mais bon, voilà, c'est un peu dur après de faire des généralisations à partir de. À chaque fois, j'ai eu 4 ou 5 cas par. Donc c'est un peu. Ouais, pour l'instant, c'est tâtonnant. Alors on se demande quel est le pouvoir de prescription de ces critiques et on peut le mesurer, il est fort, il est... Non, il est faible, je pense. Alors, si on s'en fie aux critiques, apparemment, à l'époque de Goë et Millau avait la capacité, avec une critique négative, de vider un restaurant et réciproquement, avec une critique positive, de le remplir. Et il y a une anecdote qui est assez rigolote, c'est qu'à un moment donné, ils ont eu un procès d'un restaurateur qui leur a fait un procès parce qu'ils avaient écrit une critique positive. Il avait eu un afflux de clientèle et il n'avait pas su faire face. Et il a fait un procès à Goë et Millau pour avoir fait une critique sur son restaurant au lieu de laisser tranquillement faire ses affaires. Alors ça, c'est souvent rapporté aussi parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est complètement inimaginable. Les restaurateurs se battent pour avoir des critiques dans la presse. Donc à un moment donné, sans doute, Goë et Millau avait un vrai pouvoir de prescription. Aujourd'hui, ce qui se dit, c'est que le pouvoir est relativement faible. En revanche, ils ont un pouvoir de prescription qui est indirect. Ils ont un pouvoir de prescription sur leurs propres confrères. Ce que je disais, ils se lisent beaucoup, ils travaillent entre eux. Donc quand quelqu'un parle d'un nouveau restaurant, tout le monde va en parler. Et donc finalement, ça, comme tout le monde en parle en même temps, ça a un effet, même si chacun a un tout petit effet, finalement, ça va quand même faire parler du restaurant et après par le bouche à oreille. Une Donc espèce c'est. d'effet boule de neige, Voilà, quoi. c'est plus. Disons que quand on choisit un restaurant, c'est rarement parce qu'on a lu la critique, mais c'est parce qu'on a. Un collègue nous a dit que c'était bien parce qu'il avait entendu parler à tel endroit, etc. Donc c'est un effet indirect. Moi, j'avais essayé. C'est l'enquête ratée de ma thèse. J'avais essayé de mesurer ce pouvoir. À un moment donné, j'avais lancé une enquête où j'ai pris la presse, donc j'allais dans les kiosques à la sortie des journaux aux dates de parution, et je contactais les restaurateurs qui avaient eu un article en leur demandant de passer pendant le double. On considère qu'une publication a un effet pendant surtout la durée, pendant sa périodicité, c'est-à-dire qu'un hebdomadaire va avoir un gros effet la première semaine, puis après, comme la semaine suivante, le numéro suivant apparaît. Bah, s'il traîne sur la table du dentiste, il va avoir encore un peu d'effet, puis sinon après on va le mettre aux oubliettes. Donc en gros, l'effet des publications de la presse est conditionné à leur durée, à leur périodicité. Un mensuel va rester plus longtemps sur les tables qu'un hebdomadaire. Donc je souhaitais que les restaurateurs fassent passer un tout petit questionnaire, il y avait 4-5 questions pour savoir simplement d'où venaient les clients après que la critique Ça parle. soit parue. En me disant, voilà, on va voir si au moins. Sachant qu'il y a eu parution, enfin c'était partiel, mais sachant qu'il y a eu parution, est-ce que grosso modo il y a 80% des gens qui viennent grâce à la parution ou est-ce qu'il y a 2%? Donc j'ai contacté, j'avais 10 restaurants à Paris, assez différents, dans des arrondissements différents, des types de cuisine différents, donc c'était assez. Mon échantillon était. J'étais assez contente de mon échantillon, avec des publications dans des magazines différents, etc. Et donc je suis allée les voir, enfin c'est les 10 restaurants qui avaient accepté, et ça a été un fiasco total parce que. J'ai un restaurateur en réalité. Il aurait fallu sans doute que j'aille passer moi-même les questionnaires, mais moi je ne me sentais pas la capacité d'aller dans le restaurant le soir, attendre les clients et me mettre au milieu des serveurs pour passer mes questionnaires. Donc j'avais délégué ça aux restaurateurs eux-mêmes. Et en fait, alors soit ils oubliaient de le faire, soit quand c'était le midi ou quand ils avaient des coups de rush, évidemment ils n'avaient pas le temps de passer ça à leurs clients parce que c'est un métier qui est quand même très très très très, très difficile. Soit c'était des repas d'affaires et ils ne sentaient pas déranger des clients pour un questionnaire, donc eux-mêmes vis-à-vis de leur relation clientèle, c'était pas possible. Donc il y a eu des tas tellement de choses, de paramètres qui sont entrés en compte qui font que finalement ils me rendaient trop peu de questionnaires pour que je puisse en faire quoi que ce soit statistiquement. En fait, c'était j'ai un restaurateur qui a fait ça hyper sérieusement et qui m'en a rendu beaucoup, donc bon, j'aurais pu faire l'étude sur lui-même, mais sur son restaurant. Mais tous les autres, en réalité, quand je récupérais mes 10 questionnaires, enfin, au prorata du nombre de places qu'il y avait dans le restaurant et du nombre de couverts qui étaient servis, c'était trop, trop infime pour pouvoir en faire quoi que ce soit. Donc, malheureusement, je sais j'avais fait ça parce qu'il y avait une étude qui avait été faite comme ça pour un mémoire, je ne sais plus dans quelle discipline, une fille qui avait fait ça à Strasbourg sur un gros restaurant qui avait beaucoup beaucoup de clients, donc elle, elle était allée elle-même, c'était plutôt entre la cafétéria et le restaurant, donc il y avait beaucoup de monde et c'était sans doute plus facile. Quand on est dans un petit restaurant parisien de 10 places, moi il y en a certains, c'était même moi, ouais, c'était 10 places je pense, 10 couverts, c'est un peu plus compliqué d'être au milieu du service, donc ça a été un échec, donc je peux pas vous dire pour l'instant, l'enquête reste à faire. Donc le phénomène du fooding, là on parlait de généralisation et systématicité, tu disais que c'était la transformation du métier journaliste culinaire, mais en quelle mesure c'est représentatif de la transformation du métier, ou c'est juste une excroissance, une sorte de création de nouveaux types de pratiques, et à quel point c'est localisé à un public parisien et à une petite frange en fait, d'un public parisien? Alors, ce que j'ai dit en fait dans mon exposé, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. La méthode globale pour les journalistes pour se faire reconnaître, c'est celle, et ça répond peut-être aussi à la question de Michel, grosso modo, c'est d'arriver à travailler dans des publications importantes. Donc ça, c'est 90% des journalistes essaient de faire ça. Et en revanche, on voit qu'il y a certaines réussites qui se distinguent du lot et qui ne passent pas par ce mécanisme-là de travailler dans des publications de plus en plus prestigieuses au cours du temps. Et c'est ces cas-là, c'est pour ça que mes cas sont effectivement extrêmement marginaux statistiquement, même on regarde la taille de ma population. Donc ces trois cas qui sont marginaux. Simplement, j'avais l'impression. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, j'ai peu de cas de réussite exceptionnelle, même si on prend le temps long. Là, j'ai Gomio, j'ai Simon et j'ai Fooding Omnivore, enfin, qui est pour la période contemporaine. Il y a peu. Je vois un ou deux cas que je pourrais étudier aussi, mais en fait, mon échantillon est très très faible. Et effectivement, alors, moi, je fais l'hypothèse que pour acquérir une notoriété de ce type-là aujourd'hui, il faut mettre en place ce type de dispositif, et c'est corroboré par le fait que aussi bien Fooding que Omnivore emploie ces trajectoires-là et que personne d'autre n'a d'autres trajectoires aujourd'hui. Mais voilà, ça tient à peu de choses et dans tous les cas, c'est pas la stratégie. Enfin, stratégie...